Chapitre 2e, le palais royal. Les courses de Vincennes étaient finies. La brillante voiture qui avait pris le chevalier à son hôtel rentre le soir au palais royal. Sous le vestibule du grand escalier se tenaient six laquais à livrée rouge, qui, dès que le roulement du carrosse se fit entendre, quittèrent bien vite les jeux de cartes et les dés qu'ils maniaient entre eux sur les banquettes de velours. Le Suisse frappa de sa canne à pommeau d'argent les dalles luisantes du feu des lanternes, et l'équipage, précédé de deux piqueurs nègres à cheval de la maison d'Orléans, entra sous la voûte. Le carrosse de Madame de Montesson tourna comme un gant sous ses murailles, mené qu'il était par un cocher athlétique poudré à frimas, et dont la tête eût dépassé l'impériale d'un carrosse du temps de Louis XIV. Il couvrait les glaces de ses deux larges basques galonnées et brodées. C'était un gros buveur très ami de M. Collet. Il s'appelait Chamoran. Madame de Montesson occupait le fond de la voiture avec Madame de Blot. Sur le devant étaient messieurs de Valence, de Brancas et de Saint-Georges, tous la tête nue. Il ne faut pas oublier un carlin à grelot d'or, nommé Tircis, très surveillé sur le strapontin de gauche par Madame de Montesson, depuis un certain naufrage qu'il avait fait dans un des bassins de Sainte-Assise. Sur le strapontin qui se lève à droite, il y a également une forme indécise, oblongue, qui se tient collée contre la glace du carrosse. C'est M. Nolot, le maître de harpe de Madame la Marquise. Les candélabres à trois branches soulevés par les laquais éclairent tout ce monde doré à la descente du carrosse. Tircis pousse un cri. M. Nolot lui a marché sur la patte. C'est le troisième méfait du pauvre maître de harpe qui, pendant les courses, a commis déjà deux erreurs, celle de parler beaucoup trop des livres de Madame de Genlis et pas assez des peintures à l'huile de Madame de Montesson. On traverse la galerie dans laquelle il n'y a rien d'inusité ce jour-là. Elle est plus riche en tableaux que ne le sera jamais celle de M. de Calonne. Les femmes, comme les hommes, se ressentent des fatigues de la course. Tout ce que 5 ou 6 heures de toilette peuvent laisser d'ennui sur le visage pèse sur cette compagnie. Les croisées donnant sur le jardin sont ouvertes. Autant il y a de silence dans cette vaste galerie précédant tous les salons, autant le bruit des voix et des instruments emplit les feuillages verts et les cafés. Entre toutes les autres, une voix pure et fraîche s'élève. Elle est accompagnée d'une guitare dont les notes arrivent à l'oreille avec les frais bruissements des jets d'eau et les odorantes senteurs de la grande pelouse. « C'est Alcévedo qui chante, » dit Saint-Georges. « Écoutons-le. » Un clair de lune ravissant blanchissait alors les allées. Il n'y avait qu'une masse noire au milieu du jardin. C'était le cirque du palais royal. De la fenêtre où la compagnie se trouvait placée, le regard embrassait le cadre illuminé des bâtiments, dont les belles lignes rappellent celles des procuraties de Venise. Un ciel d'un bleu vif, troué çà et là de scintillantes étoiles, semblait sourire amoureusement au jardin où couraient des lueurs mystérieuses. Vu de ce balcon, les quinconces régulièrement taillées semblaient une bande de soie verte sur laquelle sautaient quelques linottes et des pinsons assez hardis pour écouter les chanteurs du haut de ce trône aérien. Il était difficile de se défendre contre le charme enivrant de pareille soirée. Une brise tiède et fine dérangeait mollement les écharpes de toutes ces femmes assistant à ces représentations improvisées, dont Saint-Georges et Gara prirent eux-mêmes leur part à des temps moins éloignés. À juger des objets par la sensation qu'ils soulèvent, ce jardin rempli de filles d'opéra et de galatées peu curieuses de se cacher devait jeter dans l'âme d'un jeune homme naïf de singuliers étonnements. La foule s'y portait, les femmes y donnaient le ton. Ce n'était partout que marché clandestin, témérité permise, parfum, lascivité folle. Mesdemoiselles Duté, Guimard, Sophie Arnoux, que vous aviez vues involontairement à la veille au Vauxhall ou au Colisée, s'y promenaient en robe flottante, avec d'énormes bouquets et des poudres odorantes à leurs cheveux, répandant ainsi autour d'elles l'arôme d'une cassolette. Laissant au boulevard du Temple et aux bourgeois les parades de saltimbanques et les fantoccini de Carlo Perico, elles allaient entendre jouer de la harpe, du violon ou de la guitare dans cette trop célèbre allée où la voix fougueuse de Camille Desmoulins, succédant à tant de murmures amoureux, devait retentir plus tard, près les charmilles devenues le palladium des nouvellistes. Le bruit des cuillères cessa bientôt sur les tables du jardin. Les dégustateurs de sorbet écoutaient les sons purs d'Alcevedo chantant une romance d'albanaise. La voix du chanteur manquait d'étendue, mais le sentiment en était divin. L'intelligence et le goût suppléaient chez lui à la faiblesse des moyens. Il n'annonçait pas avec affectation les consonnes de la gorge ou des lèvres avant de les prononcer. Il avait ce goût du chant qui fit une merveille de Gara. Madame de Montesson l'écoutait avidement. Passionnée pour la musique, se piquant de bien juger et rivale en fait de harpe. De Madame de Genlis, elle s'écria « Quel dommage, Saint-Georges, que votre violon ne soutienne pas le chant d'Alcevedo. » Saint-Georges ne répondit que par une légère inclination de tête qui fit voler une partie de sa poudre dans les yeux de M. Nollot. En sa qualité de professeur de harpe, M. Nollet abominait le violon. « Voyez donc, mesdames, voilà M. de Lauragais avec M. de Guine, » dit M. Nollot, en les montrant tous deux sous la fenêtre à Mme de Montesson qui se pencha vers Mme de Blot avec un mouvement marqué de dépit. Nouvelle maladresse du pauvre Nollot. Il oubliait que M. le comte de Guine avait été fort avant dans les bonnes grâces de Mme de Montesson et que depuis son mariage avec le duc d'Orléans, on évitait de prononcer son nom devant elle. M. de Valence, qui se trouvait dans le même cas, comprit fort bien, et pour réparer la sottise de M. Nollot, « Parbleu, M. de Lauragais, dit-il, passe bien fièrement, mesdames. Ne dirait-on pas qu'il a gagné ce matin? Et pourtant, vous le savez, il a perdu contre M. le comte d'Artois. Et moi j'ai gagné, dit avec une impudence rayonnante M. de Vannes à Saint-Georges, en lui frappant sur l'épaule familièrement. Mon ami, mon cher ami, c'est à vous que je dois cela. » M. de Vannes était aussi splendidement vêtu qu'il avait paru râpé le matin même à Saint-Georges. La vie de certains joueurs est faite ainsi, un composé de misère et d'éclat. En sa qualité de lieutenant de dragons et de cadet noble de Saint-Malo, il était toléré de Mademoiselle Béraud de Laye, fille elle-même d'un capitaine négrier de Saint-Malo. Veuve à cette heure du marquis de Montesson et devenue duchesse d'Orléans sans que son mariage avec le duc fût avoué ostensiblement. Son Altesse est-elle revenue de l'opéra? Demanda étourdiment M. de Vannes à M. de Brancas. Le vieux de Brancas, qui desserrait rarement les lèvres, se les mordit pour lui répondre sèchement. Elle y est. Vous verrez que le bon prince m'empêchera ce soir de prendre mon laitage et mes rôtis, dit Madame de Blot d'un air d'amidriade plaintive. M. de Valence, j'engraisse à vue d'œil. Au lieu de diminuer, c'est désolant. Mademoiselle Bertin ose prétendre cependant que je maigris. Savez-vous, chevalier, continua-t-elle en se retournant vers Saint-Georges, dont les regards ne quittaient pas le jardin, savez-vous que vous avez là un habit étourdissant? Je commence à croire que si l'on ne peut avoir votre brodeur, c'est que vous l'occupez exprès toute l'année, afin qu'il ne travaille pas pour d'autres. Mais qu'est-ce? Vous semblez avoir de l'ennui. Elle s'était rapprochée insidieusement de cette fenêtre. Madame de Montesson ne l'avait pas entendue par bonheur. Sans cela, et sur ce seul mot d'ennui, Madame de Blot courait grand risque d'être en défaveur pour huit grands jours. « Oserais-je vous demander ce que vous regardez là ? » dit Madame de Blot au chevalier. Saint-Georges ne répondit pas, mais comme s'il eût ressenti une émotion violente, tous les muscles de son visage se contractèrent. « C'est bien elle, c'est elle, » murmura-t-il en refermant la fenêtre. « Monseigneur, annonça la voix claire d'un valet de chambre en ouvrant avec fracas les portes de la galerie. Le duc d'Orléans rentrait en effet de l'opéra. Il parut peu surpris de trouver ses familiers ordinaires dans la galerie. La fraîcheur qui régnait en cet endroit était suave. Il se jeta pesamment sur un fauteuil que venait d'avancer M. Nollot. Le fauteuil poussa un cri. « Malheureux Tircis !» s'écria la marquise. « Monseigneur va l'écraser !»« Rassurez-vous, madame de Montesson, il est vivant, il jappe. Et pourra faire encore sa partie dans les concerts de harpe de M. Nollot. N'est-ce pas, Tircis ? Reprit-il en cassant pour le carlin une dariole qu'il tira de sa poche et dont il lui donna la moitié. Je suis exterminé de l'opéra. Bien qu'on ait repris Daphnis et Aiglé, continua-t-il en bâillant. Nous écoutions Alcevedo, monseigneur, dit en s'avançant doucereusement la marquise de Montesson qui lui présenta sa boîte. « J'ai une triste nouvelle à donner à Madame de Blot, marquise. Le lait de son souper a été lampé par un insidieux matou. Monsieur Chouzin, le chauve-cire du garde des Sceaux, qui était venu ce soir de Versailles à pied, faute de voiture, pour m'apporter une expédition. C'est Dauphin qui me l'a dit en montant. Ce pauvre monsieur Chouzin, il n'a trouvé que le lait de madame Deblot, tous les domestiques étaient dehors. Il est écrit que je ne pourrais maigrir, s'écria madame Deblot, en affectant de serrer entre ses doigts sa taille de guêpe. Je veux avoir une chèvre avec des rubans roses, dès demain, oui. Je l'élèverai, je la trairai. Il me faut du lait de chèvre. Cher Saint-Georges, dit le duc, nous préparez-vous un assaut ou un concert? Il paraît que la chevalière Déon vous cherche partout. Est-ce pour vous épouser? Que diraient alors les déesses de l'opéra? À propos, nous aurons une chasse à cour samedi à Sainte-Assise. Nous boirons, oh mais, nous boirons, ventre chou. Vous verrez comme je bois. Des dons de Bacchus et de Flore, à vos yeux je veux me parer. Comme dit monsieur de Collé. Voici les nouvelles. La Urbain, la petite Bèze, la Chouchou et la Renard sont renvoyés de l'opéra. Monsieur le duc de Chartres s'est ennuyé de rester 6 jours chez les Penthièvres. Il est à Choisy-le-Roi. Le duc d'Orléans continua de parler tout seul de la sorte l'espace d'un grand quart d'heure, riant tout haut de ce qu'il nommait ses nouvelles. Son apparition causait évidemment à madame de Montesson une contrariété plus vive encore que ses discours. Heureuse de faire valoir l'extérieur et les talents de Saint-Georges, son protégé, devant quelques-unes de ses amies qui avaient les grandes entrées au palais, mais que diverses absences dans leurs terres avaient jusque-là privé d'en jouir, elle avait préparé, à l'insu du duc d'Orléans, un ambigu dont elle n'avait dit mot à personne. La marquise espérait que, retenue dans les coulisses de l'opéra par mademoiselle Allard, dont le prince semblait depuis longtemps très épris, il céderait à la proposition adroite d'un souper faite par M. de Dufort, son premier gentilhomme de la chambre, et Mme d'Osemont qui l'accompagnait. En historien consciencieux, nous devons dire que rien de coupable ne devait avoir lieu à cette collation préméditée par Mme de Montesson. Seulement, la goinfrerie de son Altesse royale était connue, ainsi que son goût pour certaines comédies licencieuses renouvelées de son grand-père le régent. Mme de Montesson avait jugé convenable de l'éloigner. En s'affranchissant de sa présence, elle se laissait d'ailleurs à elle-même plus de liberté avec son amant. Cet amant, c'était Saint-Georges. Comment un mulâtre, un homme que la seule couleur de son épiderme eût fait exclure avec violence de la société française sous les règnes précédents, se trouvait-il parvenu à ce singulier favoritisme? C'est ce que le caprice de Madame de Montesson, la maîtresse épouse d'un prince du sang, pour un homme bien fait, pouvait s'expliquer à elle-même, mais ce que la coterie du Palais-Royal même, après la cour de Versailles, ne devait constater qu'avec répugnance. Il importe ici de préciser en quelques lignes cette disposition étrange du XVIIIe siècle à se décrier de son propre aveu aux yeux de sa noblesse et de ses vrais partisans. La société française, qui semblait prendre à tâche de se décomposer elle-même, en admettant sans examen dans son sang tous les masques qui l'amusaient, ne comprenait guère l'écueil de ces acceptations frivoles. Ayant décidé qu'il lui fallait du plaisir et de la distraction à tout prix, elle allait au-devant de l'homme assez en fond pour lui en donner. Or, il faut le dire, ce n'était pas là le fait des philosophes. À part les jouissances intellectuelles que pouvaient donner leurs écrits et l'intérêt que certains esprits devaient prendre à leurs escrimes réciproques, le sérieux n'obtenait guère le privilège de l'attention. Il importunait, on le tournait en ridicule. Le seul sérieux qui eut du succès, ce fut celui du docteur Franklin, arrivant plus tard à Paris avec ses prospectus contre la foudre, ses lunettes vertes et son chapeau de quaker. Comme un malade a soin de fuir les gens qui lui parlent de sa maladie, le XVIIIe siècle se fit un devoir de fuir les sophistes assez forts pour lui résister et l'éclairer, témoin Rousseau, contre lequel le monde se roidit, pendant qu'il accueillait frénétiquement à certains intervalles, dans ses salons, Voltaire, dont le véritable salon fut celui du roi de Prusse. De ce grand mépris pour les idées devait résulter nécessairement un amour indiscipliné pour la forme. Le XVIIIe siècle s'ennuya bientôt de ces éternels marquis, type prévu par la comédie aristophanique de Molière. Il ne pouvait plus l'étonner, lui qui avait Richelieu. Sa condescendance coupable s'en fut chercher d'autres acteurs. Il s'embarrassa peu du lieu où il les ramasserait. Il remua tout, la bourgeoisie, le bas peuple. Rassasié de plaisir et retenant toutefois sa coupe de ses doigts lassés, il la tendit à qui voulut la remplir. Au comédien, paria de sa société, au villageois qu'il fit dîner à sa table, comme le marquis de Brunois, au mulâtre enfin, qui jusque-là montait derrière l'équipage sans se pavaner encore sur ses coussins. Ce temps-là fut le temps des engouements. Quelle activité, quelle fièvre! Entraînées sur une pente inévitable, les femmes semblaient pressentir cet air funeste qui vient tout d'un coup glacer le sourire à leurs lèvres roses. Les hommes luttaient entre eux de grâce et de somptuosité. Le règne de Louis XV venait de s'éteindre dans de ténébreuses tristesses de cour. Il fallait revivre et saluer un avènement nouveau, celui de Louis XVI, qui délivrait le peuple de la tyrannie exclusive des courtisanes en titre. Le mariage de ce prince était venu rassurer la conscience timorée des censeurs. Marie-Antoinette, plus belle encore que son marbre éclos sous les doigts de Pigalle, apparaissait comme une fée secourable à tous les ennuis. Autour d'elle se pressait l'élite des plus beaux jeunes seigneurs, l'élite des femmes nobles et accomplies, étoiles adorables, satellites de cet astre qui rayonnait si doucement tous les soirs sur les gazons de Versailles ou de Saint-Cloud. C'était le temps où tout ce qui était fier et ingénieux parvenait, où les officiers de dragons étaient aussi charmants que Florian, Parny et Boufflers. En vouant elle-même son pinceau au physionomiste de cette cour, Madame Lebrun la servait de toutes les inépuisables coquetteries d'un talent de femme. Elle lui indiquait des agréments de parure qui relevaient encore sa grâce. Cette cour nouvelle s'organisa vite en deux camps. Ses cocardes furent tranchées. Aux jeunes hommes, vraiment nobles et fidèles de cœur à la monarchie, s'ouvrit le petit Trianon, temple chéri de la jeune reine. Au moins favorisé du côté de la naissance et au mécontent, le palais royal. De là une lutte, une sorte de parti publiquement déclaré, même avant que le duc de Chartres, devenu depuis le duc d'Orléans égalité, ne s'avouât d'un parti et qu'il fût question pour lui de cet exil de Villers-Cotterêts, équivalent à la punition d'une forfaiture. Le plan de ce récit nous fera plus tard soulever le voile parfumé de Trianon, le brillant cortège de Marie-Antoinette, et des baux de sa cour se déroulera aux yeux du lecteur. Mettons-le à cette heure en présence des baux du palais royal. À leur tête, il fallait bien placer Monsieur de Valence. Monsieur de Valence, qui épousa, on sait pourquoi et dans quelles singulières circonstances, Mademoiselle de Genlis, petite nièce de Madame la Marquise de Montesson, était un grand brun, assez élégant de sa personne, avant que Napoléon l'eût admis au rang de sénateur à la sollicitation de Madame de Montesson. Il était de toutes les chasses de Gennevilliers, du Rincy et de Villers-Cotterêts. Madame de Montesson l'avait aimé, et la meilleure preuve des dangers qu'elle voulait bien encourir pour Monsieur de Valence est le fameux tête-à-tête de Sainte-Assise, si brusquement interrompu et si astucieusement dénoué par l'épouse du duc d'Orléans. Cette comédie, où elle se montra meilleure actrice que sur son théâtre, n'avait point altéré l'amitié de Monsieur de Valence. Il est vrai de dire aussi que Mademoiselle de Genlis, qu'elle lui imposa, était de bonne famille, riche héritière, et plus riche certainement que Monsieur de Valence. Avant Monsieur de Valence, et aussi avant le sérénissime hymen de Monseigneur le duc d'Orléans, Madame de Montesson avait distingué Monsieur de Guines. Monsieur de Guines était comte, il était beau parleur, il chantait au clavecin. Madame de Genlis ne cachait pas son faible pour lui. Il n'avait qu'un tour, celui de parler toujours du roi de Prusse, ce qui donna à Philippe d'Orléans, dont il gênait déjà la flamme amoureuse, l'idée ingénieuse de l'écarter et de le nommer ambassadeur en ce pays. Venait ensuite au rang des séides de Madame la Marquise un énorme capitaine au régiment de Royal Cravate, M. Gabriel d'Osmond, le malencontreux ou le brise-tout, comme l'appelle quelque part la spirituelle marquise de Créqui. C'était lui qui cassait le mieux les porcelaines et les magots de la Chine, lui encore qui faisait lever ou baisser trop tôt la toile pour les spectacles de Madame de Montesson, ce qui lui occasionna un jour une belle querelle avec le chevalier de Bonnard, alors précepteur du duc de Valois, à cette heure Louis-Philippe. « La pièce fut-elle de vous, Monsieur Bonnard ? » dit-il grossièrement au chevalier, dont la seule présence du duc d'Orléans sur son théâtre put contenir la fureur. « Elle ne perdra rien pour attendre, la pièce. »« Je sors de l'artillerie, » répondit Bonnard. qui avait en effet servi dans ce corps, et, je le déclare, je n'ai jamais eu de pièce si lourde que vous. » C'est le même M. d'Osmond qui disait des tendrons de veau, et se croyait mystifié dans le personnage de Cocatrix, tragédie en figuristique de Collé. M. de Brancas était un de ces vieux seigneurs qui ont bien vécu, et malheureusement vécu en poste, comme dit Rabanne, le page du régent. C'était lui que le duc d'Orléans forçait de mettre un bonnet de coton pour le faire promener dans ses cuisines, où il discutait lui-même, on le sait, les plats en vrai cordon bleu. M. de Brancas n'osait trop le contredire. Il se rejetait sur les axiomes de Rôtisset, maître d'hôtel du maréchal de Saxe. Ce Rôtisset avait publié un livre orné de cette épigraphe contre le corps antique et respecté des cuisinières. « En fait de cuisinière, je n'ai jamais estimé que celle de fer blanc. » M. de Brancas avait de belles manières, on lui disait de l'esprit. Il ne quittait guère la société de M. le chevalier de Timbrune, oncle et curateur du vicomte de Valence. Ce qui le rendit un homme indispensable jusqu'à la fin de ses jours, c'est qu'il s'évertua par la suite à répandre, avec une complaisance exemplaire, dans tous les cercles, le théâtre des jeunes personnes de Madame de Genlis. Le premier gentilhomme de la chambre du duc d'Orléans, M. de Durfort, avait la double manie des testaments et des tulipes. Il achetait des tulipes et faisait son testament trois fois par semaine. C'est lui qui joua du reste au marchand de chevaux Septemville, personnage ridiculement engoué de sa fortune, la plaisanterie du neveu du roi de Maroc. Ce neveu était venu à Paris en qualité d'ambassadeur de M. son oncle. M. de Durfort, à qui il avait fait payer des chevaux le triple de leur valeur, profita de cette occasion pour persuader à Septemville qu'il devait inviter le prince marocain. Voilà Septemville en mouvement. Il bouleverse sa maison de campagne, maison fort belle, située à Ville d'Avray, pour recevoir le neveu du roi du Maroc. Il commande un feu à Toré. Il invite les violons de l'opéra et surtout les jolies femmes. M. de Durfort, qui savait par cœur les précieuses, n'en voulait plus. Ainsi un valet, du nom de la Trompe, fut déguisé en prince marocain. Il arriva, accompagné de toute sa cour, à la grille de Septemville. Le marchand de chevaux ne se possédait pas de joie. Il n'osait point s'asseoir, et la serviette sous le bras, il se tenait derrière le fauteuil de l'ambassadeur. La comédie finit par le bâton comme celui de Mascarille. La Trompe en fut quitte pour une volée de bois vert, et Septemville pour les frais. Cette imagination de M. de Durfort prouve du moins qu'il appréciait Molière. Que dire du marquis de Valençay, sinon qu'il était poli? De M. de Ségur, qu'on le reconnaissait pour un conteur spirituel, de M. de Périgny, qu'il était l'ami du prince. M. de Durfort et M. de Périgny avaient figuré comme témoins de ce mariage clandestin du duc d'Orléans avec la marquise de Montesson, mariage qui ne fut véritablement reconnu qu'en juillet 1792, après une longue suite de contestations élevées à l'occasion de son douaire. La faveur de messieurs de Durfort et de Périgny s'accrut en raison de leur participation à cet acte consommé un an avant la mort de Louis XV. Nous ne parlerons pas des courtisans littéraires, tels que Collé et M. de Marmontel, tous deux lecteurs et louangeurs par état, de l'abbé de Voisenon, de la Harpe, de la Clos et tant d'autres. Sous le duc de Chartres, devenu depuis Philippe Égalité, il n'y eut guère que l'abbé de Talleyrand, le comte de Mirabeau et M. de Lafayette, qui donnèrent au palais royal une couleur politique. Du temps de Louis-Philippe d'Orléans, de l'abbé de Voisenon, de la Harpe, de la Clos et tant d'autres. Sous le duc de Chartres, devenu depuis Philippe Égalité, il n'y eut guère que l'abbé de Talleyrand, le comte de Mirabeau et M. de Lafayette, qui donnèrent au palais royal une couleur politique. Du temps de Louis-Philippe d'Orléans, on ne songeait qu'à y tenir table. Les historiographes de cette camarilla nous représentent les familiers de M. le duc d'Orléans comme des roués de bon goût, continuateurs empressés de cette longue orgie du règne de Louis XV, l'un des plus longs de la monarchie pour son malheur. S'il est vrai, il faut ajouter que leur patience à supporter les maussaderies du duc d'Orléans, son épaisseur d'esprit et ses bons mots d'officier de bouche doit leur être mise en ligne de compte. Ce prince, dont la constante occupation fut celle de la cuisine, n'était pas alors plus récréatif pour Madame de Montesson que pour ses propres favoris. Sa gourmandise et ses habitudes populacières en avait fait une sorte d'automate, digérant et chantant même au besoin, comme le canard illustre de vos cançons. Si les comédies de Bagnolet l'avaient amusé avec Mademoiselle Marquise, et lorsqu'il était plus jeune, en revanche, celle de Madame de Montesson avait le privilège de le rendre bourru, quinteux, insupportable. Il s'endormait aisément au moindre propos et se réveillait avec moins de facilité. Le cercle habituel de familiers, dont nous avons crayonné quelques figures, s'ouvrait et se refermait chaque jour autour de lui sans qu'il y prît garde. On a calomnié les arts en disant qu'il les aima. Il n'aima que la bonne chair. Les allégories satiriques des peintres du temps nous le représentent sous les traits du dieu de la vendange, écrasé de pampres et d'embonpoint, avec cette devise « à Bacchus ». À l'ombre d'une tonnelle bordée de convives qui tous ont l'air de le provoquer à ce combat de futailles, l'œil du spectateur le découvre, les bras retroussés jusqu'au coude, le pacifique bonnet de coton sur sa tête royale, au milieu d'impurs de bas étage ou de courtisans avinés, étirant un sottisier de ses poches, comme si la vie était pour lui une perpétuelle courtille. Marié en 1743 à Louise-Henriette de Bourbon-Conti, il vécut ses années avec cette Messaline, dont la passion, d'abord véhémente pour son mari, faisait dire à Madame la Duchesse de Tollard qu'elle avait trouvé le moyen de rendre le mariage indécent. La servilité hardie de Collet pourrait-elle empêcher que l'on ne prenne ce triste prince en dégoût? Il ne pencha jamais pour aucun parti, mais en revanche il les encouragea tous par sa faiblesse dans leur rébellion croissante. Nous ne pouvons douter, d'après Madame de Genlis, qu'il n'ait joué fort rondement les rôles de paysan, mais à coup sûr il n'était guère fait pour celui de prince. Plus bête que méchant, dupé hautement par toutes ses maîtresses, il ne passera guère à la postérité que par l'imbécilité de sa conduite ou le scandale de ses mœurs. La seule origine de sa grande passion pour Madame de Montesson prouve assez qu'il était né pour être le plus épais bourgeois de son royaume. La jeunesse de Monsieur le duc de Chartres, son fils, pour être recouverte d'un vernis plus élégant, annonçait un amour si effréné de tous les vices qu'on ne crut mieux faire que de le marier à 22 ans à la fille du religieux duc de Penthièvre. Le spectacle indécent que donna le duc de Chartres en cette cérémonie eût pu faire déjà présager sûrement de son avenir. Au moment même de la bénédiction nuptiale, il trouva plaisant, on le sait, de sauter par-dessus la queue de robe de la mariée pour se placer de l'autre côté de l'autel, ce qui indigna jusqu'aux vieux courtisans qui se souvenaient pourtant de la régence. Le premier soin du duc d'Orléans, son vertueux père, avait été de lui donner une maîtresse qu'il avait tirée du dernier rang des filles vendues. Cette précaution toute paternelle pouvait-elle manquer de porter ses fruits? À l'époque des plus brillants succès du chevalier de Saint-Georges, le duc de Chartres avait 30 ans. La débauche avait déjà flétri la beauté régulière de ses traits. Son front bourgeonné comme ses joues en faisait une sorte de pastel vineux et gâté. Il n'avait guère d'éclat que le soir et aux bougies. Rebuté et méprisé par les femmes vraiment nobles, il avait imaginé contre elles cette vengeance que chacun sait et qui lui valut le mot sanglant de Madame de Fleury, que nul n'ignore. Si Légastier d'alors n'en était pas encore venu à écrire sa terrible apologie, peu de gens du moins doutaient qu'il ne volât pas son bijoutier. Embourbé dans les plus basses passions, il avait eu soin de les relever, il est vrai, par son entourage. Les plus brillants et les plus lestes d'entre les gentilshommes l'escortaient. À côté de cet amas de chair nommé le Gros-Duc, il se distinguait par toute la licence d'une jeunesse sans frein. Nous nous garderons bien d'allonger ici le portrait de ce prince, que nous n'allons retrouver que trop souvent comme une tache dans le cours de ce récit. Il n'arborait pas encore à cette époque le pavillon de la Résistance, mais il s'était rangé sous celui de tous les vices. Accusé d'avoir tiré sur un de ses piqueurs en chassant dans la plaine de Saint-Denis, il avait déjà à répondre aux 1000 inculpations que lui jetait comme un défi la voix publique. Voulait-il se soustraire à ces terribles murmures par l'étourdissement de sa vie? Prévoyait-il les représailles de l'opinion? Il est difficile de le croire en le suivant pas à pas dans cette carrière où la confiance en son infamie le soutint. Le palais royal, pour être déjà aussi ouvertement brouillé avec la cour qu'il le fut depuis, n'en recevait pas moins un grand éclat de ses propres illustrations. Dans cette cour, dont Madame de Montesson était le centre, Saint-Georges apparut comme une véritable excentricité. Sa couleur en faisait un être à part. En regard des baux de Trianon, le palais royal, qui avait aussi ses archives galantes, inscrivit le nom du mulâtre. Le mulâtre devint le protégé, l'amant de l'épouse d'un prince du sang, qui se rappelait avoir vu chasser de chez lui les nègres de sa mère à coups d'étribière. Le mulâtre devint l'ami, le confident de son fils. Hélas, il était loin de prévoir alors les écueils de cette perfide intimité. Il n'éprouva pas plus de peine à triompher de ses rivaux près de la marquise. Soit que la force physique et l'étrangeté de ce champion nouveau lui parussent en effet un genre d'épreuve à tenter, soit que tous les dons charmants que Saint-Georges possédait l'eussent réellement touché, Madame de Montesson, peu contente de se l'attacher pour ses spectacles, le cria d'abord son écuyer et ne se fit pas faute de l'avouer aux yeux de sa cour ordinaire. Son enveloppe, robuste et galante tout à la fois, satisfaisait les deux penchants les plus décidés chez la marquise, le plaisir et l'amour-propre. À Versailles, elle eut caché cette passion. Au Palais-Royal, elle l'afficha. Pour le duc de Chartres, il se vit naturellement attiré vers Saint-Georges par son goût pour la chasse et les éloges que ne manquait pas de lui en faire Madame de Montesson. Il comptait d'ailleurs le faire servir à ses fins et à son parti. Recherché des belles, agacé par les coquettes, ayant l'esprit du monde et la propos, qui vaut mieux que les grands talents, Saint-Georges ne pouvait manquer de réussir. On ne tarda pas à l'appeler le donjon noir. Les soupirs successifs d'amants, dont frémissait encore le clavecin ému de la marquise, furent étouffés sous le charme de sa voix, sous les séductions de sa parole. N'ayant de rival en aucun jeu, imprimant un cachet de maître aux plus vulgaires tentatives, il devint l'astre des soupers, des fêtes, des spectacles. Ses conversations étaient un mélange adroit d'anecdotes amusantes, propres à rassurer la vertu des femmes. Au plaisir de se faire écouter, il joignit bientôt l'art de se rendre rare. Quand les physionomies des douairières elles-mêmes, les plus difficiles d'entre les femmes, lui garantissaient un succès pour sa soirée, il levait le siège, prétextait des affaires et laissait le cercle partagé entre le regret de le perdre et le désir de le revoir. Devant cette guirlande de femmes choisies, toutes empressées de le voir et de l'entendre, le mulâtre avait-il oublié Madame de Langeais? L'amour ou le désir de la vengeance bouillonnait-il dans son cœur? Était-ce cette femme qu'il avait entrevue dans le jardin du haut de cette fenêtre que Madame de Blot lui avait vue fermer avec précipitation? Il n'y aurait eu qu'un analyste expert pour répondre à ces questions. Tout ce que nous pouvons assurer au lecteur, c'est que le Dieu qui existe pour les amants envoya cette fois au duc d'Orléans, qui allait contrarier les plaisirs de ce cercle, une salutaire pensée. Ce fut celle de s'endormir sur l'un des sofas de la galerie dès que M. Nolo eut entamé sur la harpe un air qu'il préjugeait devoir produire un tout autre effet. Les maîtres de harpe se trompent comme les princes. Un valet de pied au service de Madame de Montesson était venu la prévenir que tout son monde de bonnes amies venait d'arriver. Celle qui assistait le plus souvent à ces petits soupers du palais royal était Madame de Beauvau, de Boufflair, de Ségur, de Luxembourg, toutes remarquables par leur beauté ou leur esprit, toutes dansant, peignant ou faisant de jolis vers. Madame de Montesson se garda bien d'éveiller le prince, qu'elle laissa sous la garde de M. de Brancasse. Appuyée sur le bras de Saint-Georges, elle se rendit à cet ambigu préparé dans ses petits appartements. Le désespoir de Madame de Blot, qui osait à peine toucher aux fruits, la grâce de M. de Valence et les anecdotes piquantes de Madame de Fleury défrayèrent ce repas dont la marquise fit les honneurs. Madame de Montesson, le regard attaché sur Saint-Georges, ne lui permettait pas la moindre avance près des autres femmes. Sa jalousie égalait seule son amour. Elle avait oublié, à deux pas de ce prince endormi, qu'elle était sa maîtresse, même sa femme. Ce qui était d'abord fantaisie était devenu passion. Comme on le voit, le mulâtre avait monté. Il était devenu le chevalier de Saint-Georges. Mais de son élévation même, élévation que cet homme ne devait qu'à lui, allait ressortir un drame terrible et qu'il ne prévoyait pas.